J'aime dans le temps, de Francis James. Clara Delebeuse, Éléonore d'Herval, Victoire d'Etremont, Laure de la Vallée, Lia Fauchereuse, Blanche de Percival, Rose de Limereuil et Sylvie Laboulaye. Francis James. J'aime dans le temps Clara Delebeuse, l'écolière des anciens pensionnats, qui allait les soirs chauds sous les tilleuls lire les magazines d'autrefois. Je n'aime qu'elle, et je sens sur mon cœur la lumière bleue de sa gorge blanche. Où est-elle? Où était donc ce bonheur? Dans sa chambre claire, il entrait des branches. Elle n'est peut-être pas encore morte, ou peut-être que nous l'étions tous deux. La grande cour avait des feuilles mortes dans le vent froid des fins d'été très vieux. Te souviens-tu de ces plumes de paon dans un grand vase auprès de coquillages? On apprenait qu'on avait fait naufrage, on appelait Terre-Neuve le banc. Viens, viens, ma chère Clara Delebeuse, aimons-nous encore si tu existes. Le vieux jardin a de vieilles tulipes. Viens toute nue, ô Clara Delebeuse. Fin du poème. Enregistré par Christiane Johann. Cet enregistrement fait partie du domaine public.